foutre de l'argent, c'est du tout en or. Rien à foutre, rien à foutre de l'argent, c'est du tout en or. Sortant de l'ordinaire, sortant de l'ordinaire, mon rap original.